Chapitre 3e. C'était une chambre petite, mais très confortable et ensoleillée, que lui avait louée Madame Wicket. La maison en elle-même était laide et prétentieuse, mais cela n'avait pas d'importance, elle lui convenait et c'était l'essentiel. Il aimait en effet, quand le temps était assez doux, traverser la route, dans l'après-midi, pour assister aux parties sur les terrains de jeu. Il avait plaisir à sourire aux élèves quand ils le saluaient, la main à la casquette, et échanger quelques mots avec eux. Il attachait une importance particulière à faire connaissance avec tous les nouveaux et à leur offrir le thé chez lui au cours de leur premier trimestre. Il commandait toujours chez Redaway au village un gâteau aux noix, glacé, rose, et en hiver, il y avait également des crumpets, une petite pile devant le feu, baignée dans le beurre, si bien que ceux du bac reposaient dans un petit lac. Ses invités s'amusaient à le voir faire son thé en mélangeant avec soin des cuillères éprises dans diverses boîtes. Il demandait aux nouveaux d'où ils étaient et s'ils avaient des parents à Brookfield. Il veillait à ce que leur assiette ne restât jamais vide, et à 5 heures précises, quand la séance avait duré 1 heure, il regardait la pendule et disait « Eh bien, ça a été tout à fait charmant de vous avoir ici comme ça, je regrette que vous ne puissiez rester davantage. » Et souriant, il leur serrait la main sous le seuil et les laissait se sauver en courant jusqu'à l'école en échangeant des commentaires. Brave vieux type, ce Chips. En tout cas, il nous a donné un rudement bonté, et on sait exactement quand il a envie de vous voir filer. Et Chips, de son côté, faisait ses réflexions à Madame Wicket quand elle venait enlever la vaisselle du goûter. J'ai passé un excellent moment, Madame Wicket. Le jeune Branksome me dit qu'il a pour oncle le major Collingwood. Le Collingwood que nous avons eu ici en... Je crois que c'était en 1902. Certes, oui. Je me souviens très bien de Collingwood. Je l'ai corrigé un jour pour avoir grimpé sur le toit du gymnase, pour reprendre une balle dans la gouttière. Il aurait pu se casser le cou, ce jeune homme. Vous le rappelez-vous, Madame Wicket? Ce devait être de votre temps qu'il était là. Avant d'avoir des économies, Madame Wicket avait été chargée de la lingerie à l'école. Oui, je l'ai connu, monsieur. Il faisait généralement les frontées avec moi, mais nous n'avons jamais eu de mots tous les deux. Un peu de toupet, simplement, mais pas mauvais garçon. Ces petits-là ne le sont jamais. Est-ce que ce n'est pas lui, monsieur, qui a obtenu la médaille? Oui, un DSO. Une décoration pour service distingué. Avez-vous besoin d'autre chose, monsieur? De rien pour le moment, jusqu'à l'heure de la chapelle. Il a été tué, en Égypte, je crois. Oui. Vers cette heure-là, vous pourrez m'apporter mon dîner. Très bien, monsieur. C'était une existence agréable et paisible qu'il menait chez Madame Wicket. Aucun souci, une pension suffisante et en plus un peu d'argent placé. Il pouvait se procurer tout ce qu'il désirait. Sa chambre était meublée simplement et avec un goût d'universitaire. Quelques rayons pour les livres, des trophées sportifs, une cheminée couverte de cartes illustrées, de photographies dédicacées d'élèves et d'hommes faits, un tapis d'Orient fané, de grands fauteuils, au mur des gravures représentant l'acropole et le forum. Le tout, à peu près, venait de sa vieille chambre de maître résidant à l'école. Les volumes étaient surtout des œuvres classiques, car il avait enseigné les langues classiques. Mais il y avait aussi un choix d'ouvrages d'histoire et de littérature, et enfin, empilés sur une table du bas, des romans policiers en édition bon marché. Chips les aimait beaucoup. Malgré ses longues années d'enseignement continu, ce n'était pas un lettré profondément classique. En somme, il considérait le grec et le latin bien plutôt comme des langues mortes, dont les Anglais cultivés devaient posséder quelques citations, que comme des langues vivantes ayant jamais été parlées par des êtres vivants. C'est ainsi qu'il vivait chez Madame Wicket, prenant un plaisir tranquille à lire, à causer, à se souvenir, vieillard à cheveux blancs, n'ayant qu'une légère calvitie, encore assez actif pour son âge, prenant son thé, recevant des visites, occupé à corriger pour la prochaine édition l'annuaire de Brookfield. Il invitait les nouveaux maîtres à prendre le thé, aussi bien que les nouveaux élèves. Il y en avait 2 ce trimestre de rentrée, et en le quittant après leur visite, l'un fit cette remarque. Un vrai type que ce bonhomme, le célibataire par excellence, s'il en fut. C'était d'ailleurs parfaitement inexact, car Chips n'était pas du tout vieux garçon. Il avait été marié, mais il y avait si longtemps que personne, dans le corps enseignant de Brookfield, ne se souvenait de sa femme.